10h sur la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Le premier mouvement très modéré de Printemps de Claude Debussy par le New Philharmonia Orchestra dirigé par Pierre Boulez. Bonjour Yann Passler. Bonjour. Bienvenue à la Radio Parfaite pour évoquer votre ouvrage La République, la musique et le citoyen, paru en 2015 dans la collection Bibliothèque des histoires des éditions Gallimard. Vous évoquez justement ce Printemps de Claude Debussy composé en 1887 comme une partition que l'on a dit impressionniste, mais dont les motivations sont essentiellement d'élargir la palette sonore et d'aller chercher des harmonies très éloignées, ce qui est une préoccupation qui dépasse Debussy à cette époque-là. Oui, je pense que c'était Gounod qui l'a dit, mais c'est une œuvre impressionniste. C'était pas un compliment à l'époque, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, on connaissait très bien les peintres impressionnistes, n'est-ce pas? Mais Debussy ne cherchait pas de faire partie de ce mouvement explicitement. Mais en même temps, oui, de chercher d'élargir la palette sonore qui avait quand même commencé déjà avec L'Enfant prodigue, avec son prix de Rome 5 ans avant. Et donc c'était dans une continuité pour lui. Et c'est la même année que Emmanuel Chabrier compose Le Roi malgré lui, dans lequel on peut trouver quelques pages qui partagent aussi cette préoccupation. Oui, alors le début de Le Roi malgré lui avait une sarabande. Et c'est extrêmement important parce que ce sarabande avait des neuvièmes non résolus, etc., qui a ensuite inspiré Satie à faire un sarabande, qui a ensuite aussi inspiré Debussy, et qui faisait partie de cette période que j'ai dit « the dance craze ». C'est-à-dire qu'ils ont pensé avec le mariage d'Amélie avec roi de Portugais ou quelque chose comme ça, que l'aristocratie va revenir en pouvoir et que la monarchie va revenir et tout le monde voulait faire revivre les danses de l'époque, c'est-à-dire des menuets, des pavanes. Et la duchesse d'Uzès aussi, elle a un peu créé un mode pour tout ça, ces mêmes années-là. Donc, cette recherche pour une palette sonore était vraiment une innovation, mais dans un contexte du retour à l'ancien aussi. Alors, je voudrais qu'on revienne sur le retour à l'ancien avant d'avoir fait un détour, puisque les motivations, on pourrait dire, sont plurielles et elles ne sont certainement pas juste de pédanterie stylistique. Vous dites qu'en 1888, Charles-Henri, inspiré par Helmholtz, fait un cercle chromatique de couleurs comme un moyen de promouvoir une nouvelle façon de peindre, mais qui veut bien dire qu'il y a aussi des préoccupations scientifiques à cet élargissement des couleurs. Oui, et alors, pour les musiciens, il y avait aussi ce côté scientifique comme Charles-Henri qui avait fait dans son cercle chromatique une sorte de rapport entre les couleurs qui pouvaient être mises en contraste les uns avec les autres. Et c'est ça la peinture post-impressionniste de Seurat, de ces gens-là, le pointillisme, etc., avec le jeu entre le rouge et le vert, qu'on a pensé que ça stimule les sens, n'est-ce pas, plus que le flux de Monet. Mais alors, les musiciens aussi, quelques musiciens moins, en cherchant d'élargir le palette sonore, voulaient aussi travailler sur les nerfs, la vibration des nerfs. Et c'est Émile Villermoz qui a parlé de ça pour la première fois, bien que c'était dans l'air, si vous voulez. Et dans un de ses premiers articles, il a dit que c'est le progrès musical, ça sera dans le travail, le plaisir, la stimulation des nerfs. Donc ça, c'est une chose physique. C'est aussi la période de Charcot, n'est-ce pas? Le travail qu'il a aussi fait un peu scientifique, entre guillemets. Vous citez aussi Marmontel, qui définit même la musique comme l'art d'impressionner par les combinaisons sonores. Oui, c'est ça. C'est cette idée que le compositeur est là pour véritablement suggérer. Oui, le plaisir de la sonorité. Mais la citation que vous venez de me dire, ça aussi, ça me fait penser à Cézanne et à Maurice Denis est un peu le proto-abstraction, c'est-à-dire le... Est-ce que vous voulez répéter ? L'art d'impressionner par les combinaisons sonores, c'est dans le traité d'esthétique de 1884 de Marmontel. Oui, mais aussi, il parle aussi de plus en plus sur ce côté de ce qu'on dirait abstraction, un petit peu comme... comme Cézanne et Maurice Denis plus tard. Donc, ce n'était pas pour la recherche pour elle-même, mais aussi pour faire une construction. Et ce qui m'a toujours impressionné chez Debussy, ce n'était pas seulement la recherche des harmonies qu'on trouve aussi chez Forêt, par exemple, mais c'est une recherche au niveau de forme aussi. Donc, quand Debussy a défini la musique comme de temps et de couleur rythmée, c'est-à-dire que c'est pour la construction d'une musique où les éléments principaux dans la forme, dans la structure, c'est le temps, le rythme et les couleurs. Donc, les couleurs deviennent, comme dans la peinture de Cézanne, des formes. Et c'est dans ce contexte que Camille Saint-Saëns va republier les pièces de clavecin de Jean-Philippe Rameau avec toujours cette idée de ressourcer l'histoire de la musique française. Voici L'Agaçante, interprétée par Marcel Meyer. La Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Thank you. La pianiste Marcel Meyer dans le premier et deuxième rondo de La Timide à la suite de L'Agaçante, extrait des nouvelles suites de pièces de clavecin de Jean-Philippe Rameau. Yann Passler, ces partitions sont republiées par Camille Saint-Saëns en 1895, ce qui atteste bien d'un moment où les compositeurs français sont en recherche d'abord de créer un patrimoine de musique française en même temps que de restaurer des formes anciennes en musique. Oui, mais ça a commencé bien avant. Ce n'était pas ni ça, ni la réédition qui a commencé en 95, ni les opéras à la Scala Cantorum dirigés par Vincent Dindy. Rameau aussi faisait partie de l'idée française de la musique des républicains dès le moment quand ils arrivent au pouvoir dans les années 80. Et alors, il y avait un festival Rameau à Dijon pour son anniversaire en 1876. Et il y avait aussi une édition de Rameau de La Jarte à cette période-là. Et puis, quand ils ont fait leur premier concert à l'Opéra de Paris, les concerts de l'Opéra en 80, ils ont juxtaposé du Rameau, du Gluck et du Lully, n'est-ce pas? Avec des œuvres un peu semblables et avec beaucoup de danse semblable, avec des chœurs semblables, avec une possibilité pour que l'auditeur puisse comparer, par la comparaison, comprendre le progrès dans la musique et aussi la notion même de la musique. Et ça, c'était repris l'année ensuite par Padelou. Je joue Padelou dans les concerts populaires et je reproduis quelques programmes dans mon livre. Même je reproduis plusieurs programmes. Et ça, ces premiers concerts historiques aussi a juxtaposé Rameau et ses musiciens. Et quand c'était redemandé, ils ont fait le même concert une deuxième fois, ils ont ajouté de Berlioz et de Wagner. C'est-à-dire que chaque programme des concerts Padelou constitue une espèce de manifeste de comment il faut bien entendre l'histoire de la musique. Et non pas seulement lui, mais Colonne aussi, et beaucoup. Et à Boulez, dans les années 70 et 80, nos jours, oui. C'est-à-dire que l'expérience du concert, ce n'est pas de miscellany, peut-être, si c'était ça, comme dit William Weber pour l'Angleterre. C'était vraiment une construction comme un repas, si vous voulez. Donc, il y avait des fonctions différentes, mais c'était surtout par le moyen de comparer que ça a encouragé, si vous voulez, la pensée critique chez chaque auditeur. Et dans ce sens, j'interprète le fait d'aller au concert comme un moyen de commencer à avoir des opinions, d'exprimer des opinions et une sorte de préparation à une participation démocratique. Si vous voulez. Donc c'est cette idée effectivement que l'auditeur de musique, on s'y adresse comme à un citoyen, on s'adresse à son esprit critique, mais on lui fait plaisir en même temps qu'on l'éduque, les deux sont inséparables. Oui, mais c'est citoyen dans ce sens-là, ce n'est pas que « ah oui, je suis français, je suis patriotique », non, c'est que je vais prendre au sérieux ce qui est dans la vie, je vais avoir... me poser des questions, je vais par le moyen de comparaison créer une opinion qui est valable, que je peux discuter, et comme ça je vais devenir une personne qui participe, n'est-ce pas, par la réflexion même. Et les concours étaient toujours aussi des occasions pour comparer, et les expositions universelles toujours un moyen de comparer la musique de ce pays avec la musique, les genres, les objets, toute la productivité, n'est-ce pas? Donc, c'était pas seulement pour consommer ou éduquer, mais aussi pour éduquer dans le sens de créer une personne qui a une conscience de ses propres valeurs et de ses propres goûts. Et c'est ça qui justifie de composer des programmes avec, par exemple, l'édification d'une forme. Le concert Padlou, vous dites, organise en 1882, le 22 janvier, un programme historique avec que des symphonies classiques. Ah oui. Avec Bach, Gossec, Haydn. Mmh. Aussi, à cette période, dans le côté comparatif, ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont juxtaposé, même avant qu'ils venaient en pouvoir en 78, 79, ils ont juxtaposé la musique très chère à Marie-Antoinette, n'est-ce pas? La musique de Gossec, la musique de Salieri, c'était deux de des compositeurs qu'elle a connus, qu'elle a bien subventionnés dans un sens, avec la musique associée avec la Révolution, de Méhul et d'autres. Donc, dans le même programme, on pouvait faire face aux valeurs vraiment opposées dans la musique et dans la vie. Et puis, commencer à faire face à ces différences et d'assimiler. Et jusqu'à, ils ont fait ça beaucoup, mais juste à 1900, c'est-à-dire 22 ans plus tard ou 20 ans plus tard, Méhul et Gossec ont été acceptés comme musiciens français sans penser à la monarchie ou à la révolution. Ils étaient mis comme stéréotypes des différences avant et dans les contextes, et après, par 1900, acceptés comme un des maîtres. Donc, ce processus d'assimilation du passé, de tout le passé, était parmi les buts, je crois, des républicains. Et Haydn, il représentait quoi pour eux? Haydn, un classique. Le classique par excellence? Ah non, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de Haydn. Mais Haydn, Mozart, Beethoven, des classiques. D'accord. Voici le miracle. Thank you. La symphonie Le Miracle de Joseph Haydn avec Leonard Bernstein à la tête du Philharmonique de New York. Yann Passler, on évoque le répertoire du 19e tel qu'il est républicanisé avec votre livre La République, la musique et le citoyen. On vient d'écouter Haydn qui, quand il est joué dans les années 1880, par exemple par les concerts Pas de Loup, incarne le classicisme et est donc là pour éduquer les auditeurs en même temps que de les mettre dans une certaine moralité, alors? Je ne sais pas, moralité, peut-être. Mais pour moi, si j'étais quelqu'un qui habitait dans le 11e arrondissement et qui aimait la musique, je n'irais pas au concert si c'était pour être moralisé. Vraiment, ça ne me dirait rien. Mm-hmm. Donc, et puis, cette attitude est très paternaliste. C'est Napoléon III. Dans la période de la Troisième République, quand les républicains sont au pouvoir, c'était pas vraiment du paternalisme, c'était plutôt de donner accès et d'encourager la participation de tout le monde. Participation mentale, participation aussi en tant que musiciens eux-mêmes dans les chœurs et tout ça, mais dans une attitude que je trouve différente que la période du Second Empire. Mais ce qui est très intéressant avec les concerts Pas de Loup qui ont été fondés quand même en 60 et qui ont été subventionnés par le préfet de Paris, c'est-à-dire Haussmann lui-même, et on détruit ce coin, subventionne la musique. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Pas de Loup a joué à peu près le même répertoire que la Société des concerts du Conservatoire. Où il y avait très peu de places, je ne sais pas, 600 places. Donc, les gens qui n'avaient pas des places dans la société de concert du conservatoire, parce qu'ils étaient étrangers, parce qu'ils étaient de classe moyenne, parce qu'ils n'étaient pas les 600 gens qui avaient hérité ces places, ils pouvaient écouter à peu près le même répertoire chez Pas de Loup. Donc, Pas de Loup avait des auditeurs de toutes les classes, en effet. Et la seule chose que Pas de Loup n'avait pas autant que le conservatoire, c'était un chœur. Il avait en 78, je pense que les députés lui ont voté une subvention pour un chœur et ça lui a aidé à faire Donation de Faust. Mais sinon, les œuvres classiques, pour eux, c'était la fondation de la musique même. L'équivalent pour l'orchestre du Bach pour les soloistes, pour les pianistes. C'est-à-dire la musique même. Donc, ce n'était pas l'angle autrichien ou allemand ou n'importe. C'était les bases de la musique, c'était la nature des mélodies, n'est-ce pas? Toutes sortes de choses. Vous dites aussi que Pas de Loup a joué Wagner à Paris dès les années 1860, ce qui pour le coup est peut-être plus précoce que les autres formations. Oui, alors j'ajoute à mon dernier point, c'est que ces musiciens étaient aussi des premiers prix du conservatoire. Donc c'était les mêmes. Donc c'était pas exactement les mêmes, mais ils avaient le même niveau un petit peu. Et la même culture musicale. Oui, et alors Colonne et Lamoureux ont joué dans l'orchestre de Pas de Loup dans ces années-là. Donc ils ont appris en jouant la musique. Mais alors, oui, pour Wagner, Pas de Loup a joué des morceaux de Tannhäuser, les morceaux de Lohengrin, souvent, dans cette période. Et ça coïncide aussi avec la mise en scène à l'opéra en 61. Et donc, il était en avance. Mais dans les années 60, 1860, je ne pense pas qu'il y avait cette antipathie contre Wagner qui a développé après la guerre franco-prusse. Et alors, Wagner a écrit un texte, Eine Kapitulation, qui était très moqueur des Français. En effet, c'était très moqueur des Allemands aussi. Mais c'était très moqueur de Jules Simon, de Jules Ferry et de tous ces gens-là, et d'Offenbach. Et étant donné que c'était écrit pendant la guerre, les Français sont devenus très fâchés avec ça. C'est intéressant parce que le choix de jouer ou de ne pas jouer Wagner avait aussi souvent un sens politique. Et je reproduis une image dans mon livre où j'ai 32 pages de couleurs au milieu. Et c'est une caricature qui montre que Parlu est en train de tomber sur les escaliers parce qu'il a joué les marches de l'escalier, les marches de Tannhäuser, les marches, etc. Et qu'il a... et qu'il a eu des problèmes, n'est-ce pas? Et en effet, en 1976, il a joué la marche de Götterdämmerung au moment quand l'œuvre a été mise sur scène à Bayreuth, n'est-ce pas? Et les Français n'ont pas aimé l'attention, oui, oui, c'est ça, donnée à cette œuvre. Et il y avait des protestations, et alors... personne n'a fait du Wagner pendant quelques années là, de 76 jusqu'à 79. Ils ont recommencé à jouer du Wagner juste au moment que les Républicains ont pris le pouvoir. Et la Chevauchée des Valkyries est devenue une espèce de tube des concerts Padeloup. Ah oui, mais aussi un tube de Cologne. Et un tube de Cologne. Ah oui, oui, oui. Alors voici l'Orchestre de Paris pour le coup, avec Daniel Barenboim pour la Chevauchée des Valkyries. La radio parfaite. La web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Thank you. Daniel Barenboim à la tête de l'Orchestre de Paris dans la chevauchée des Valkyries de Richard Wagner, Yann Passler, nous étions en train de commenter comme c'était un tube aussi bien des concerts Padeloup que de l'Orchestre Colonne dans les années 1880, en même temps qu'il y avait un climat dans lequel les nationalités des compositeurs pouvaient être exacerbées, puisque politiquement c'était encore très tendu. Oui, mais après qu'il est mort en 81 ou 82, il y avait beaucoup moins de problèmes. On ne pouvait pas insulter des Français, etc. Et c'était aussi le début des concerts Lamoureux. Parce que Lamoureux, qui avait joué aussi dans l'orchestre de Padeloup et qui avait aussi, aussi dirigé à l'opéra et aussi qui a fait des grands oratorios de Handel et d'autres, quand il a créé son propre orchestre, il a fait beaucoup de Wagner. Et à la différence de Cologne et de Padeloup, assez tôt, il a fait des actes entiers. Des actes entiers, donc très, très lents. Et ça, c'était différent que les tubes que les autres ont fait. Pour les autres, c'était des tubes, vraiment. Pour lui, c'était une sorte de rite. Et il y a une anecdote qui est racontée à l'époque que si les gens n'aimaient pas, il avait son revolver sur son podium si jamais il y avait un problème. Mais il faut dire que leur public était un peu différent aussi. Et l'organisation de l'orchestre était différente. Lamoureux a organisé des concerts à ses périls, à ses risques et à son crédit. Un petit peu avec l'argent de sa femme. Donc, il pouvait demander des prix assez élevés et puis créer un contexte où il n'y avait que lui qui prenait des décisions. Tandis que Cologne, dès le début, et Cologne juif, non pas pratiquant, je ne pense, mais quand même, était quelqu'un qui travaillait dans un sens de marché. Donc, c'était une association avec des musiciens qui votaient sur ce qu'ils faisaient et qui ont été payés d'après ce qu'ils ont reçu. Et lui, il a été payé seulement 3 fois plus. Donc, tout le monde était payé 4 francs par concert et lui, 12. Et quand il s'agissait, par exemple, de la donation de Faust, qui était un grand tube pour eux, ils ont fait ça, ils ont même rendu cette œuvre une des œuvres les plus populaires de l'époque. La première fois qu'ils ont commencé à jouer, en 77, ils ont fait 6 fois de suite. Et avec chaque concert, ils ont gagné de plus en plus d'argent. Alors les musiciens du ballet, c'était aussi une façon de faire face aux difficultés musicales et d'interprétation. Mais à la 7e, tout le monde est venu et il a demandé, le comité a demandé aux musiciens, à tous les musiciens, de voter s'ils voulaient faire encore un 7e ou bien se taire. Ils ont dit, bon, on en a eu assez. Mais chaque année, quand ils voulaient faire de l'argent, ils ont fait 5, 6, 7 fois par an la donation de Faust et ils ont mis tout l'argent dans leur coffre. Ça leur a permis de prendre des risques, de faire Auguste Helmès, de faire beaucoup d'autres musiciens, même de forer un petit peu, de faire Grieg, de faire la musique internationale, de faire toutes sortes d'autres choses. Et de faire des premières auditions, beaucoup de premières auditions, et même plusieurs fois, ces mêmes œuvres, parce qu'ils avaient cette possibilité de mettre la donation de Faust. Donc, le rapport entre les tubes que lui aussi a joué et les actes, et une sorte de rite religieux chez Lamoureux, les a rendus vraiment très, très différents comme public et comme approche au même répertoire. Ce rapport religieux à la musique peut se développer quasiment sans religion. Oui. Vous citez Villermoz qui a une phrase incroyable sur le Requiem de Forêt. Il dit « Une souplesse nonchalante de sceptique aimable masquant une secrète obstination de montagnard ariégeois, cet incroyant, dit-il à propos de Forêt, dépourvu de tout sectarisme et de toute intolérance, traversa avec la plus affable sérénité une grande école religieuse et fréquenta professionnellement les milieux ecclésiastiques les plus variés, sans rien perdre de son apparence d'esprit. C'est qu'il arrive effectivement à faire un requiem qui défie en solennité, en sacralité les autres requiem, sans lui-même avoir la foi. Je ne sais pas si c'est vrai. Hein. C'est ce qu'on en dit, en tout cas, à ce moment-là. Villermoz, c'était un de ses élèves, peut-être qu'il connaissait. Mais Villermoz, il aimait bien faire un point, mais faire un argument, et puis un peu pas regarder toute l'histoire. Donc, je ne sais pas. Mais un jour, moi, j'ai joué du Forêt, et je trouve qu'il y a une sorte de spiritualité sublime qui est peut-être non pas religieux dans le sens de pratique catholique, mais qui a quand même une sorte de transcendance qui est très important et qu'on trouve aussi chez Messiaen, bien sûr, mais qui est aussi peut-être la fonction de l'orgue, d'avoir joué de l'orgue beaucoup. Il y a quelque chose. Mais oui, donc le laïc était très important. Et alors, ce n'est pas un accident dans ce sens-là que Forêt a été nommé directeur du conservatoire en 1905, la même année que la loi a séparé l'Église et l'État. Et il remplace dans ce requiem le Dies Irae par In Paradisum. Vous écoutez la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Le In Paradisum, extrait du Requiem de Fauré avec Charles Munch à la tête de l'Orchestre Symphonique de Boston. Un bon choix. Yann Passler, nous commentions effectivement ce nouveau rapport à la transcendance, un rapport laïque, on peut dire carrément ça ? C'est comme je le sens. D'accord. Il y a maintenant tout un discours autour des Requiem parce que nous avons eu un colloque à Seattle. Plusieurs personnes en ont discuté. Donc, il y a un tout nouveau renouvellement d'attention musicologique autour de Fauré. Et donc, je leur laisse la parole à ce sujet. D'accord. Mais en même temps, vous avez un développement intéressant, comme on a à ce moment-là un rapport de plus en plus patrimonial à la musique sacrée. Vous citez notamment les travaux de Charles Bord autour de Saint-Gervais. Oui. Alors, il y a deux périodes qui m'ont vraiment intéressé le plus en faisant ce travail. C'est l'ordre moral, c'est-à-dire la période des années 70, quand c'était officiellement une république, mais avec des monarchistes en contrôle, qui contrôlaient, n'est-ce pas? Donc, une sorte de corrélation. Cohabitation. Oui. C'est ça. Et alors, donc, une période de compromis. Et à cette période-là, ils ont subventionné non pas seulement des concours pour les écoles et pour dans les contextes laïcs, mais ils ont aussi, l'État a subventionné des prix aussi dans les écoles catholiques et plein de choses. Et ça, c'est la période où Lamoureux a donné la première audition de Ève de Massenet en même temps que la Merci de Handel. Donc, la musique ancienne et moderne était aussi une sorte de cohabitation. Mais le deuxième moment un peu semblable, c'était le ralliement. C'est le début des années 90. Et c'est quand les monarchistes devaient se rencontrer qu'ils ne vont pas pouvoir reprendre le pouvoir. Et le pape s'est rendu compte que il faut faire avec. Et alors, parce qu'avec Boulanger et tout ce désastre juste avant l'exposition universelle et le grand succès de l'exposition universelle dans le symbolique de la Révolution et de la République. Alors, le pape a dit aux Français, on sait bien, alors acceptez la République, fait avec. Et aussi, la République même, et il y avait une nouvelle génération de républicains qui n'étaient pas élevés dans les années 60 comme des radicaux, mais plutôt des gens qui suivaient le pouvoir avec. Et eux aussi se sont devenus de plus en plus conservateurs. Donc, ils pouvaient faire une sorte de rapport. Et cette période, c'était une période où les républicains ont décidé de faire avec les catholiques et le pape, n'est-ce pas? Et alors, on voit ça dans le monde musical avec les chanteurs de Saint-Gervais sous la direction de Charles Bord. Et de Vincent Dindy. Oui, un petit peu, oui, mais Bord a dirigé, etc. Et eux, ce n'était pas seulement la musique religieuse qu'ils ont fait, c'était la musique du XVIe siècle. C'était toujours de Lassus, et de Lassus, il a fait beaucoup de chansons, n'est-ce pas? Donc, c'était aussi les chansons qu'ils ont enseignées à la future Schola Cantorum, chansons dans le sens de chansons du XVIe siècle ou chansons dans le sens que chansons populaires, parce que aussi ce groupe avait une influence ou bien des gens qui partageaient leurs idées dans les régions, dans les anciennes provinces, n'est-ce pas? Des gens non pas urbaines, mais plus rurales, les anciens ducs de ceci et cela, tout ça. Donc, cette musique religieuse a créé une autre sorte de renouvellement assez formidable, avec aussi beaucoup de motets et tout ça. Mais il faut souligner le fait que ce n'est pas seulement ces gens un peu monarchistes, un peu conservateurs, parce que Théodore Dubois, qui était le directeur du conservatoire et aussi était organiste comme Forêt à la Madeleine, a fait une centaine de motets. Continuer à écrire des motets. Saint-Saëns en a fait beaucoup, beaucoup de motets. Saint-Saëns qui est vraiment tout à fait républicain laïque jusqu'au fond de son cœur. Et donc, le côté religieux, surtout chez des gens qui ont joué de l'orgue, reflète un petit peu le pourcentage des catholiques en France. Donc, il y avait toujours un côté religieux. Et ce chœur de Saint-Gervais faisait des reprises des cérémonies associées à la chapelle Sixtine, oui. Jouait donc effectivement la Sus, Palestrina, et dans son répertoire, il y avait aussi Josquin des Prés. Thank you. l'ensemble Diabolus in Musica, dirigé par Antoine Gerber, dans La Nymphe des Bois, extrait du Requiem Aeternam de Josquin des Prés. Yann Passler, nous étions en train de commenter le répertoire ancien défriché par le chœur de Saint-Gervais au début des années 1890. Il y a une réactivation qui date en fait déjà pas mal de la musique ancienne à cette époque. Oui, mais aussi il y avait d'autres pendant le Second Empire qui ont aussi fait renouveler cette musique. Mais en 1974, je reproduis un programme dans mon livre. Il y avait une collaboration entre Jules Dambé, qui dirigeait un orchestre à l'hôtel, à le Grand Hôtel, qui est l'hôtel en face de l'opéra, avec Saint-Saëns, avec Guimond, l'organiste, et avec la Société Chorale Boucaud du Coudray, c'est-à-dire une société chorale d'amateurs, femmes, filles, maris, amis, mais mixte, aristocrates et bourgeois. Et la société chorale Le Louvre, qui était une société de travailleurs, d'ouvriers, artisans, vivant pas très loin de ce quartier Léal, avec des charcutiers et tout ça dedans. Et eux, ensemble, ils ont fait pour eux, à ce moment-là, la première audition du chant de bataille de Jeanquin. Et en même temps de Handel et de Saint-Saëns et de Bizet. Donc, il y avait une sorte de soif pour le passé, d'écouter des moments du passé français, même à cette période et pendant toute cette période, en effet. Yann Passler, dans votre livre, donc la République, la musique et le citoyen, vous commentez beaucoup cette curiosité pour la musique du passé, mais aussi pour la musique d'ailleurs, avec notamment les expositions universelles. On peut citer Julien Thiersot, ce musicographe extraordinaire et très fécond, qui est une espèce d'ethnographe de la musique très précoce. Mm-hmm. Et qui crée une curiosité pour les musiques d'ailleurs, qui arrive dans les scènes d'opéra. Vous avez plusieurs pages sur l'acmé de Léo Delibes, qui est un sommet en la matière. Oui, ça c'était bien avant l'exposition de 89, qui était le plus grand. Mais alors, c'est intéressant avec l'acmé, parce que le grand poète indien Tagore avait envoyé une collection d'instruments au conservatoire, qui venait d'ouvrir leur musée instrumental. Et donc, pour l'ACMÉ, ils ont cherché ces instruments et ils les ont mis sur scène, ce qui est assez extraordinaire. Ce qui est intéressant avec l'ACMÉ, qui est devenu aussi une des tubes de l'époque, avec Manon et Mignon, les trois grandes œuvres de l'opéra comique, c'est que c'est une œuvre coloniale, mais une œuvre non pas dans le monde francophone, n'est-ce pas? C'est l'ACMÉ, c'est en Inde, avec des colons et des soldats anglais, leurs femmes anglaises, et l'amour entre un anglais et puis une indienne, l'ACMÉ. Mais alors, ça montre que par moyen de l'amour, on peut trouver quelque chose qui nous rassemble, qui est universel. Et la musique essaie un petit peu de suggérer que l'universalité de la musique se trouve dans le chant occidental. N'est-ce pas? Parce que ce n'est pas une coexistence de style, là. Ils chantent à l'occidental. Point. N'est-ce pas? Et que aussi, ce qui est un peu remarquable, c'est que elle aime et lui aime. Donc, il y a un amour mutuel. Et c'est cette curiosité mutuelle qui est formidable. Avec donc un exotisme bien de chez nous. Oui. C'est ça. C'est Delibes, de toute façon. Voici Où va la jeune hindoue, extrait de l'Acmé de Léo Delibes par Nathalie Dessé et l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Patrick Fournillier. je ne puis me persuader que tout le bien qui est en lui se laisse obnubiler par le mal. Ses défauts sont pareils aux étoiles du ciel que la nuit rend plus lumineuses, plutôt innés qu'acquis. Je crois qu'il y cède par nécessité plutôt qu'il ne choisit d'y céder. Vous êtes trop indulgent. Vous écoutez la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. La suite de l'ère de l'acmé, où va la jeune hindoue, c'était à l'instant les variations sur un thème de Carmen de et par Vladimir Horowitz de Bizet. Yann Passler, le Carmen de Bizet est un autre exemple de ce que l'on aime aller chercher dans, par la musique française, des résonances dans les musiques avoisinantes ou lointaines. Oui, c'est-à-dire la notion de l'exotisme à l'époque est très vague. L'exotisme, ce n'est pas vraiment le grand autre, parce que l'acmé, elle chante à l'occidental. Carmen, espagnol, si vous voulez, mais c'est la porte à côté. Et en effet, il y a, c'est là vraiment la porte à côté, parce que c'était des prostituées dans le coin, Montmartre, c'est les Espagnols, leur partie, etc. Mais la notion d'exotisme, c'est aussi une notion de plaisir. le plaisir de regarder autour de l'autre. Donc, ce n'était pas encore le vrai apport que les expositions ont amené. Par exemple, avec la musique javanaise et indochinoise, que Debussy a entendu, ça a transformé sa notion de son. Comme pouvait dire, il a dit entendre toute l'expression de l'orchestre dans un instrument. Et donc, ça lui a inspiré un petit peu le début de la prélude de l'après-midi d'un faune, n'est-ce pas? Et puis, l'hétérophonie qu'il a entendue, le contrepoint qu'il a entendu chez des Javanais, qu'il a comparé avec le contrepoint de Bach et de Palestrina, n'est-ce pas? On entend ça surtout pour moi, non pas seulement dans la fantaisie, mais dans la partie de Sirène, de Nocturne, où vous avez pratiquement une douzaine de rythmes juxtaposés en même temps, pendant que les femmes chantent avec bouche ouverte ou fermée. Donc, il y avait ça, beaucoup plus d'apport de l'autre quand ils ont entendu les gens des autres pays. Bien que ce préoccupation et ce plaisir de l'exotisme a continué, surtout dans les titres. Dans les titres, tout le monde écrivait des choses pavillon thaïlandais. Il n'y avait rien de thaïlandais dedans. C'était juste le titre, c'était le plaisir. C'était comme les titres des préludes de Debussy, qui étaient des titres qu'il a mis à la fin pour que les gens ne cherchent pas à l'avance une chose. Mais l'exposition universelle, les expositions, surtout de 67 et puis de 78, 89 le plus important, et puis 1900, a fait venir beaucoup de gens aussi, c'est-à-dire des tirailleurs de tous ces pays, des gens qui venaient pour créer leur village et montrer comment on faisait. C'était un accès beaucoup plus important que simplement voir les images des instruments dans la presse ou bien d'aller au musée du conservatoire. Et il y avait aussi dans tous ces pavillons des restaurants, des cafés et pour quelques-uns des théâtres où on pouvait vraiment entendre cette musique. Et Julien Tirceau, on avait parlé de lui, c'était peut-être le premier ethnographe musical parce qu'il est allé leur demander de jouer pour lui le matin, après les concerts du soir, pour qu'ils puissent noter un petit peu ce qu'il a entendu. Et ce qu'il cherchait, dans une façon tout à fait républicaine, c'était des principes même de pensée monogéniste républicaine, c'est-à-dire que nous venons tous de la même race, et donc il y a des choses universelles qui va nous montrer ça. Et il a aussi fait ses arguments en utilisant la notion de comparaison. Donc, quand il a parlé du théâtre vietnamien, il a comparé ça avec du Wagner, n'est-ce pas? Et donc, tout était un petit peu pour attirer ses lecteurs avec ce qu'ils savent déjà. Mais en même temps, ça n'a pas valorisé exactement l'œuvre en tant que telle. Mais ça veut dire que ce plaisir vient être requalifié ou demande une sorte de préalable ou d'effort intellectuel. Vous citez Saint-Saëns qui dit « La musique n'est pas un instrument de plaisir physique. La musique est un des produits les plus délicats de l'esprit humain. » C'est au nom de cette délicatesse que c'est un plaisir d'ordre supérieur ? Saint-Saëns, il y a des Saint-Saëns. Ça, c'est le Saint-Saëns, le type, le conservateur. L'académicien, presque. L'académicien, oui. Mais il y avait aussi le Saint-Saëns qui a été 27 fois en Algérie, qui a, pendant sa première visite, il est au milieu de créer les esquisses pour Samson et Dalila. Il a entendu un toucher Zidane dans un café. Il avait emprunté ça pour sa bacchanale, d'après les Algériens. Et puis il est revenu, il a fait la suite algérienne, il a fait Africa, il a fait un tas de choses, la concerto égyptienne, et beaucoup, beaucoup d'œuvres. Et pour lui, il y avait aussi une sorte d'exotisme, dans le sens que, où il n'y a pas toujours de la musique de ces endroits. Il y a même rarement de la musique. Sauf dans Africa, où pour moi, sa fantaisie pour piano et orchestre, qui s'appelle Africa, appelé comme du latin et non pas comme du français, il y a là une juxtaposition et même une superposition de beaucoup de styles pastoraux et urbains, français, breton, africain, qui montrent un petit peu cette coexistence. Mais pour Saint-Saëns, à la fin, ça devient l'occidental, parce que ça disparaît dans les tierces, dans les triolets et dans la virtuosité du pianiste Saint-Saëns qu'il était. Et donc, ça devient du son. Ça commence avec ces mélodies diverses et ça finit dans le son même du piano. Donc, dans ce sens-là. Et puis, le fait même, pour revenir à Samson et Dalila, de la bacchanale, effectivement, ça veut bien dire que le plaisir physique a le droit de citer dans ce débat. Oui, mais c'est quelqu'un, oui. Alors, la virtuosité, c'est un plaisir physique pour le pianiste. Mais alors, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe dans la virtuosité. Tout ça. Ça suppose c'est... quand même beaucoup de travail. Pour Saint-Saëns, ce n'était pas beaucoup de travail, il était comme ça. Des virtuoses, long, vous pensez qu'il passe beaucoup de temps à faire ses gammes maintenant? Non, ça va. Mais il y a un plaisir physique incroyable dans ça. Et je pense qu'il y a aussi un plaisir physique pour ceux qui entendent les virtuoses. Donc, peut-être il a dit ça pour faire une contrepartie à Debussy, qui a parlé beaucoup de plaisir dans la musique, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas vrai. Il y a des Saint-Saëns dans tous les sens. Voici Bacchanal. Voilà. Ça, c'est une opinion. Vous écoutez la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. We'll be right back. La Bacchanale, extrait de l'acte 3 de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns dans la version dirigée par Gustavo Dudamel avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Jan Passler, ce répertoire était particulièrement répandu à l'époque, pas seulement des orchestres. Oui, alors c'est très intéressant parce que il faut penser que c'était en transcription principalement. Avant même d'être sur scène. Oui, parce que Samson et Dalila avaient sa première audition en 77 à Weimar, à Paris en 90 et à l'Opéra en 92. Donc, mais Bacchanale était un tube au Concert Cologne. Dès le début de sa première audition, en version orchestrale, en 75. Donc, 2 ans avant la première audition, et c'était joué plusieurs fois. Et alors, aussi, les pianistes faisaient des fantaisies avec tout ça. Donc, ces morceaux ont été connus par le public français, en général, par les orchestres, et par les pianistes, et par les flûtistes, et dans toutes les transcriptions. Les éditeurs ont fait leur argent, non pas seulement par les droits d'auteur, les scènes, mais sur les centaines de transcriptions pour tous les instruments, les mandolines et tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Et par plusieurs personnes. Debussy a fait des transcriptions de Saint-Saëns, de sa musique, payées par Durand. Fauré a fait beaucoup, beaucoup de transcriptions de la musique de Saint-Saëns, payées par Durand. Et puis, il y avait d'autres gens. Donc, c'est important aussi pour Wagner, parce que Wagner n'était pas mis sur scène en France avant 87 et puis 93, mais sa musique était dans tous ces concerts orchestrales et le public connaissait beaucoup, beaucoup d'œuvres, non pas seulement La Chevauchée, mais beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est important parce que le monde des orchestres, des concerts dominicaux étaient très importants pour créer le goût bien avant que ces choses ont été sur scène et aussi combien de personnes pouvaient se payer une place à l'opéra. Vous disiez tout à l'heure, Jan Passler, que les grandes héroïnes de l'opéra français, c'était Lacmé, c'était Mignon, oui. Manon de Massenet. C'est toi, oui. Et vous revenez souvent dans votre livre La République, la musique et le citoyen sur la modification des rapports hommes-femmes sur les scènes d'opéra à ce moment-là. C'est très important parce que il y avait une idée qui vient de Rousseau, ça s'appelle la transparence. Et alors, dans la tradition française, les étudiants au conservatoire, les élèves, devaient produire un cantate où il y avait une transparence de la musique envers le texte. Parce que ceux qui ont examiné et noté et donné des prix étaient principalement des non-musiciens. Et on voulait entendre le texte. Donc, il y avait une formation des compositeurs pour cette clarté. Mais pour les opéras, pour surtout ces opéras comiques, l'auditeur voulait avoir le sentiment que le personnage et la musique faisaient la même chose. Donc, que par la qualité de la voix, on pouvait comprendre la qualité de la personne. Donc, dans le système, dans le style français de l'époque, et y inclut Mélisande, qui est tout à fait dans la même tradition, pas du tout nouveau. Elle est dans la tradition de cette pureté et simplicité de son dans l'écrit, mais aussi et surtout dans l'interprétation. Donc, il y a certaines chanteuses qui ont fait leur carrière, comme Nathalie Dessay d'ailleurs, avec cette sorte de voix et d'interprétation qui pouvait communiquer. Et là, il y avait de morale dedans. Il y avait beaucoup de morale dedans. Oui, il faut être simple, il faut être clair, il faut être transparent. Il ne faut pas être comme Féline, par exemple. Il ne faut pas être la grande séductrice comme Carmen. Il ne faut pas. Ça, c'est le plaisir. Mais la bonne Française qui va au opéra comique pour se faire une bonne future femme de foyer, ça, elles apprennent par... le message vient par la voix et par les personnages. D'où Manon? Alors Manon, Manon pour moi c'est une œuvre républicaine parce que c'est la démocratisation du plaisir. Donc elle représente toutes sortes de plaisirs, plaisir sexuel, etc. Mais aussi le plaisir de voyager, le plaisir de converser, le plaisir de manger, de toutes sortes, le plaisir de vivre en société librement. Toutes sortes de plaisirs est mis sur scène pour qu'on se réjouisse par elle. Donc, on la pardonne. Ces erreurs, parce que ça va avec la donc liberté, c'est un sens, non? C'est le contraire de Cendrillon, alors, puisque Massenet fait aussi Cendrillon. Oui, mais Massenet, il a fait tellement de femmes, il a fait Ève aussi. Ève, Hérodiade, toutes sortes de femmes, jusqu'à 1900, et après 1900, il a fait quelques œuvres là qui n'étaient pas sur les femmes. Il est connu... pour sa musique pour les femmes, il est connu comme quelqu'un qui toujours avait un grand succès. Pour moi, Massenet est beaucoup plus intéressant que cette réduction de personnages. Et nous avons eu Werther tout récemment à l'opéra. Il y a une grande variété de musique. C'est vrai qu'on aime sa musique. J'ai trouvé en regardant qui... a été joué dans l'Afrique du Nord, par exemple, et j'ai trouvé Massenet et ses étudiants, Xavier Leroux et plein d'autres gens, en priorité, beaucoup plus que les autres. Saint-Saëns et Dalila, oui, Saint-Saëns, c'est sa présence, mais Massenet, sur le long terme, le plus souvent. Donc, c'était une sorte de musique française, si vous voulez, le côté français que les gens qui habitaient loin voulaient entendre en priorité. Petit grillon. j'ai bien fait tout ce que j'avais à faire. Je puis me reposer. Bertrand de Billy à la tête de l'orchestre et du chœur du Covent Garden avec Joyce Di Nonato qui chante l'air reste au foyer petit grillon, extrait de Cendrillon de Jules Massenet. Yann Passler, vous nous disiez à quel point cet emploi de la voix corrobore une volonté de démocratisation. C'est-à-dire que la voix féminine va au cœur, dans un certain sens, d'une certaine perspective de la musique française. Moi, je dirais d'une perspective assez importante. Et pourquoi je dis ça? Si j'étais un grand spécialiste de l'opéra, je pourrais dire ça. Mais je travaille sur le champ musical, c'est-à-dire le grand nombre d'endroits où la musique est faite. Il inclut dans les musiques militaires, il inclut dans les salons, il inclut dans les sociétés chorales du bon marché, etc. Et plus récemment, il inclut dans les colonies francophones. Et alors, j'ai trouvé, par exemple, en Indochine, énormément d'œuvres qui étaient sur des sujets plutôt féminines que masculins. On aurait pensé que ça sera plutôt Faust, il y avait du Faust, mais plutôt la musique qui glorifiait, qui faisait du patriotisme, comme la Vivandière qui était aussi populaire. Mais non, ce que j'ai trouvé le plus souvent, c'était que la musique de boulevard, si vous voulez, opérette, mais avec le côté un peu féminin. Si vous voulez. Et je pense que les soldats, quand ils allaient au théâtre, parce qu'il y avait beaucoup de soldats dans ces endroits, voulaient voir des femmes, ils voulaient entendre les femmes, ils voulaient un espace féminin, et non pas une espèce qui reflétait leur propre environnement, n'est-ce pas? Et donc ça m'a encouragé de prendre beaucoup plus au sérieux l'opérette, vaudeville, les variétés, tout ce qui était tellement populaire à Paris, mais sur lesquels peu de gens ont travaillé, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fait, Yann Passler, pour terminer, que dans votre ouvrage « La République, la musique et le citoyen », vous revenez beaucoup sur les promenades dominicales dans lesquelles on entend beaucoup la musique en plein air. Oui. Et plein air, les samedis soirs, l'harmonie du bon marché fait des employés du grand magasin jouer pendant une heure tous les samedis en été un programme identique au programme fait par les musiques militaires, parce que deux de leurs directeurs étaient des anciens directeurs de la garde républicaine. Mais les musiques militaires, les régiments, il y avait beaucoup, ils avaient tous des régiments, des musiques militaires. Et vous pouvez, par exemple, en 90, entendre une douzaine de concerts dans Paris. Butte-Chaumont, Parc Monceau, bien sûr, Palais Royal, Tuileries, Luxembourg, les plus grands, mais autres. Et au plus important, cela, ils faisaient des programmes. Il y avait un petit journal de musique militaire qui vous disait exactement quels extraits de ces opéras. Parce que c'est eux qui ont popularisé la musique, les opéras. Au milieu de leur programme de valse et de pas redoublé, il y avait des fantaisies sur les opéras contemporaines. des choses qui venaient d'être jouées et même étaient jouées avant que c'était sur scène. Donc c'était pour les gens de toute classe à s'habituer à cette musique. Et dans le petit journal, il donne par exemple le bugle va faire Dalila, mon cœur s'ouvre à ta vie. Et puis le trombone, c'est le Samson. Et il donne les textes et vous écoutez. Et c'est magnifique. Ils ont joué tout ça bien avant que c'était sur scène, non? Merci beaucoup, Yann Passler, de votre venue à la Radio Parfaite. Et pour se quitter, je vais vous offrir quelques pages des promenades d'Albéric Magnard, certaines passent au Bois de Boulogne, d'autres à Saint-Cloud, Saint-Germain, ou au Trianon, ou Rambouillet. À bientôt. Merci.